des femmes. Quand je regarde les infos, j'ai faim. Car des problèmes, y'en a de trop, j'ai faim. Et des images, plus qu'il en faut, tout ça me fait froid dans le dos. Et j'attends, quand il faut trouver du boulot, j'attends. Pour qu'on me rembourse mes impôts, j'attends. Que vienne le soir pour faire mon dos, pas d'incident. Prends tout ton temps, ce sous-marche droit devant. J'appelle à une voix révolutionnaire. Ceux qui aimeraient tout partir. Et j'appelle de tous les deux la main des guerres. Je prêche la paix incognito. Comme tous ceux qui n'ont pas grand chose. Je veux pas mourir dans la faire tous. Moi je crains pour la planète, il y a des signes qui m'inquiètent. Moi je crains pour la planète et tout ça me prend. Il y a des signes qui m'inquiètent. Moi je crains pour la planète et tout ça me prend. Car j'aimerais qu'on prenne un peu soin de ma planète. J'aimerais que tous les jours on fasse la fête. J'aimerais qu'on ait des mélos dans la tête. Ne plus avoir si froid dans le dos. Et j'attends que se réveillent les consciences. J'apprends qu'il y a des limites à la science. J'attends de pouvoir entrer dans la danse. J'attends que se réveillent les consciences. Moi j'ai peur pour ma planète, il y a des signes qui m'inquiètent. Moi j'ai peur pour ma planète, tout ça me prend la tête. Moi j'ai peur pour ma planète, il y a des signes qui m'inquiètent. Moi j'ai peur pour ma planète, tout ça me prend la tête. J'attends.